ton discours ne nous dit absolument rien. Que la fête commence, un point c'est tout. Y apaga na y mapoco.